Chapitre 2e, la rue des marchands de Chapelet. Que n'aurait pas donné Raphaël pour rencontrer ce modèle rêvé? Le sort, qui quelquefois s'avise de placer sur vos pas en Italie, à Rome même, une jeune fille blonde, semble à longtemps, depuis que le grand artiste s'était mis en quête d'une Galatée vivante, conjurée contre lui. Il en était triste, presque malade, et ses amis ne le reconnaissaient plus. Il visitait ses ateliers avec cette négligence voisine du découragement qui si souvent fut près de l'arrêter dans son œuvre et laissait travailler ses disciples favoris sans presque les aider de ses conseils. Un jour, cependant, il crut encore à son étoile. Il se rendait à son casino du Bourg-Neuf et traversait la rue des marchands de Chapelet via dei Coronari. Sur la porte d'un boulanger, une jeune fille était assise dans une attitude rêveuse. Elle avait les yeux levés vers le ciel, et ses doigts effeuillaient négligemment une fleur dont les débris odorants tombaient éparpillés à ses pieds. Raphaël regarde cette jeune fille. Il arrêta dans sa poitrine une exclamation d'étonnement et d'admiration qui allait lui échapper en face de cette apparition merveilleuse dans une rue, à côté d'une boutique où une pareille surprise paraissait tenir du prodige. Un rapide coup d'œil lui avait suffi pour se convaincre de la perfection idéale de la ravissante romaine que le hasard, réconcilié avec lui, avait bien voulu enfin lui faire rencontrer. C'était une exilée, une brillante exilée de l'Olympe. Comment cette belle enfant, aux cheveux blonds et soyeux, tressée avec grâce, aux yeux d'azur, aux lèvres roses, à la taille de déesse, s'était-elle jusque-là dérobée au regard de Raphaël? Notre peintre ne chercha pas pour le moment à résoudre ce problème. Il aima mieux admirer et joindre vivement les mains en signe d'extase. La jeune fille ne parut guère étonnée de l'effet que sa beauté venait de produire. À Rome, dans cette ville de déesses en marbre ou en chair, dans cette ville où le soleil des arts allume tous les cerveaux, la femme, solennellement et publiquement adorée, n'éprouve ni embarras ni surprise. L'adoration, soit qu'elle s'adresse à la sainte dans sa niche, à la statue sur son piédestal, à la jeune fille appuyée sur le rebord de sa fenêtre, est la même et s'exprime de la même manière. L'adorateur s'agenouillerait même en présence de la beauté, au coin d'une rue, sur une place publique, sans qu'on le blâmât d'avoir mis le passant dans la confidence de ses transports. Aussi Raphaël ne recula ni devant l'indifférence, ni devant le rire moqueur de la belle enfant, près de laquelle il joignit ardemment ses mains, comme le dévot au pied d'une madone. « J'ai enfin mon modèle » s'écria-t-il. La jeune fille s'est élevée. La rougeur légère qui s'étendit sur ses joues était le seul indice du charmant embarras où la vue d'un admirateur improvisé l'avait jetée. Mais, soit vanité d'enfant, soit compassion, elle ne disparut pas dans la boutique où son père chantait le Salve Regina en enfournant ses pains. Elle commençait son rôle de modèle, et sa pose, qui vient trahir un peu de confusion et d'orgueil satisfait, dévoila soudainement des grâces si attirantes, fit éclore autour d'elle des séductions si vraies, que le grand peintre se frappa le front en répétant avec une voix où l'amour faisait déjà palpiter son trouble et précipitait ses émotions : « Oui, je l'ai enfin trouvée !»